Toujours sur les ondes de CHUO 89.1 FM, vous écoutez la première édition de l'émission Autour du Bloc. On a maintenant l'honneur de recevoir un pilier, un monument de notre communauté, mais pas seulement de la communauté élargie de l'Université d'Ottawa, mais bien de l'Ontario français dans son dans toute sa splendeur. Pierre Deblois est avec nous pour cette première édition d'Autour du Bloc. Bonjour, Monsieur Deblois. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Par souci de mise en contexte pour les auditeurs, je rappelle à grands traits vos accomplissements. D'abord, vous êtes un diplômé de l'Université d'Ottawa, il faut le souligner. Donc, engagé dans la communauté de la Côte-de-Sable, notamment dans Action Côte-de-Sable depuis les tout débuts, vous êtes également le président fondateur du Festival franco-ontarien. Vous avez présidé l'ACFO d'Ottawa-Carleton pendant 5 années. Vous avez été également vice-président du conseil d'administration de l'hôpital Montfort, ancien directeur de l'Association professionnelle des cadres supérieurs de la fonction publique du Canada. Doit-on également rappeler que vous êtes lauréat du prix Grand Maître en 2007 et présentement vous siégez à titre de gouverneur au bureau des gouverneurs de l'université. C'est plusieurs accomplissements en fait et ce sont là, j'imagine, c'est un parcours, j'imagine, en fait, qui est avant tout animé par de profondes convictions envers les valeurs communautaires et surtout envers notre pouvoir en tant qu'individu de pouvoir opérer un changement dans la communauté. Ben, c'est génétique. C'est génétique. Ah, parce que vos parents aussi... La famille a toujours été engagée dans toutes sortes de choses. Des oncles, des tantes, mon père, ma mère, ma grand-mère. Et ma grand-mère écrivait des pièces. Elle venait d'Alfred, en Ontario. Oui, oui. Elle écrivait des pièces de théâtre, puis faisait le tour des petits villages là, de Saint-Isidore, puis Plantagenet, puis ils allaient faire ça. Alors, elle a toujours fait ce genre de choses-là. J'ai une autre de mes tantes qui était une des fondatrices de l'hôpital Saint-Vincent. Toujours des engagements comme ça. Et mon grand-père... Deblois était un des fondateurs de la Caisse Sacré-Cœur dans le temps, dans la Côte-de-Sable, la Caisse populaire Sacré-Cœur, oui. Qui est maintenant la Caisse Rideau. Alors, il y a toujours eu un engagement comme ça. Il y a toujours eu un Deblois quelque part qui était quelque actif. Quelque part qui se mêlait de quelque chose. Alors, j'ai simplement suivi dans le sillon là, qui avait déjà été tracé. Donc, vous étiez un peu prédisposé finalement à œuvrer au sein de la communauté. Et dans votre cas, est-ce que ça s'est fait dans l'optique d'un combat pour la langue et ses institutions? Ou c'était plus vraiment une dette que vous sentiez que vous aviez une dette envers la communauté et que vous deviez lui rendre ce qu'elle vous a donné, en fait? Mais disons qu'au tout début, j'avais eu certains engagements lorsque j'étais à l'école secondaire et à l'Université d'Ottawa pour des questions de langue. Mais ma première préoccupation, ou les premiers instants où je me suis impliqué dans la communauté, c'était avec Action Côte-de-Sable. Oui. Parce que à ce moment-là, la Côte-de-Sable était vraiment assujettie à beaucoup de pression pour du développement. On voulait détruire énormément de maisons patrimoniales pour en faire des blocs appartements. Alors, il y avait ce genre de pression-là. Et aussi, on commençait à penser à planifier la création de deux autoroutes. Les gens pensent qu'il y en avait simplement une, mais il y en avait deux. Il y en avait une qui devait détruire à peu près tout son passage sous la rue King Edward pour rejoindre le pont McDonald-Cartier au Queensway. Mais aussi, avec Pierre Benoît, on avait pensé d'agrandir la rue Donald dans la Overbrook et la rue Somerset dans la Côte-de-Sable et du côté de l'ouest du canal pour en faire un autre 6 voies. Alors, vous pouvez imaginer, la Côte-de-Sable aurait essentiellement disparu. Alors, ça a été premièrement mon premier engagement, ça a été pour la Côte-de-Sable. Je renvoie la balle très brièvement à Michel Prévost qui piaffe à côté. est-ce que la Côte-de-Sable a souvent été confrontée aux changements ambiants de l'université? Je pense notamment au permis d'expropriation que la ville d'Ottawa avait octroyé à l'université pour qu'elle connaisse une expansion dans la Côte-de-Sable. Est-ce que la Côte-de-Sable a justement été aussi sur la défense que ça dans son histoire? Il faut savoir qu'au fil du temps, l'Université d'Ottawa s'est agrandi, et effectivement, il a fallu détruire des quartiers, en fait, des rues entières, là, où on voit les grands bâtiments aujourd'hui, là, c'était des petites maisons, plusieurs étaient patrimoniales, et les pères Houblas ont été vraiment très, très clairvoyants. En 1959, ils se sont fait voter une loi d'expropriation par le gouvernement de l'Ontario, et c'est parce qu'ils avaient quand même une vision, ils voyaient très bien que l'Université d'Ottawa était pour devenir une grande université et on a évité ainsi la spéculation. Mais oui, il y a quand même eu un impact impacts énormes pour le développement. Mais par contre, la Côte de Sable, sans l'Université d'Ottawa, ne serait pas la Côte de Sable, parce qu'il faut savoir que c'est la plus ancienne institution. C'est le plus ancien établissement là de la Côte de Sable. Il y a toujours eu des liens très, très étroits, ne serait-ce que par la paroisse Sacré-Cœur, qui était dirigée aussi par les pères Aublats. Alors, faut pas voir là qu'il y avait une opposition entre le quartier de la Côte de Sable et l'Université d'Ottawa. Les tensions vont venir plus tard, quand l'université va beaucoup s'agrandir. Oui. Et là, les étudiants vont aller 60, vivre oui. dans le quartier. Et on sait que parfois, il y a des parties qui se terminent très tard. Ouais. Mais à la période des pères Aublats, il n'y avait pas cette tension-là. Mais c'est un peu ma prochaine question pour M. Deblois. Vous œuvrez dans la communauté depuis plusieurs décennies. Vous le percevez comment, le changement de la communauté de la Côte-de-Sable? Parce qu'elle a changé socialement, culturellement, comme on vient de le mentionner, surtout avec l'afflux d'étudiants qui a augmenté de façon exponentielle. Comment est-ce que vous le percevez, le changement de cette communauté-là? Le gros changement dans la Côte-de-Sable, selon moi, a commencé à avoir lieu à la fin des années 60. Mm-hmm. Et puis, c'est poursuivi durant les années 70 et 80. Et le gros changement est essentiellement le suivant, c'est que la Côte-de-Sable était un quartier, peut-être pas à majorité, mais fortement francophone. Il y avait énormément les familles étaient plus nombreuses, on avait plus d'enfants, ce qui fait que beaucoup des grosses maisons qu'on voit aujourd'hui dans la Côte-de-Sable, qui sont maintenant des petits appartements ou des maisons de chambre, étaient des maisons unifamiliales. Alors, il y avait beaucoup plus d'enfants, beaucoup plus de familles, alors il y a eu ça. Mais aussi, il faut dire, puis moi j'ai vécu ça, beaucoup de familles accueillaient aussi des étudiants de l'université, parce qu'on n'avait pas beaucoup de résidences à l'Université d'Ottawa, il faut dire. Ce qui fait que beaucoup des étudiants devenaient des chambreurs, on appelle ça des chambreurs, dans les familles de la Côte-de-Sable. Nous, ça a été le cas, on a toujours loué trois chambres à des étudiants de l'Université d'Ottawa. Et ensuite, ma mère aussi, le midi puis le soir, recevait 12 étudiants pour dîner puis pour souper. Alors, vous pouvez imaginer le va-et-vient qu'il y avait dans la maison tout le temps. Nous, on mangeait dans la petite cuisine en arrière, mais les étudiants, eux, bénéficiaient d'une bonne bouffe de famille. Et puis, fait qu'il y avait toujours les étudiants chez nous tout le temps, constamment, et comme chambreur et comme dîneur. Puis ça, puis on n'était pas les seuls. Beaucoup de familles, énormément de familles de la Côte-de-Sable étaient des familles d'accueil comme ça pour les étudiants de l'université. Et, durant les années 60, 70, 80, avec la démocratisation de l'éducation, l'économie du savoir qui émerge, est-ce que l'université s'est un peu, pas déconnectée, mais la relation entre l'université et la communauté, est-ce qu'elle s'est refroidie pendant une certaine période? Dans les années 70, il y avait énormément de pression. L'Université d'Ottawa voulait vraiment faire une expansion importante dans la Côte-de-Sable. Et la Côte-de-Sable a perdu plusieurs de ses maisons, plusieurs de ses bouts de quartier. Et je suis d'accord avec Michel qu'il y a une symbiose qui s'est créée. Là, mais je veux dire que pendant 7-8 ans, là, la relation était extrêmement difficile. Les gens de la Côte-de-Sable n'avaient pas vraiment confiance en l'université, ont tout fait pour tenter de limiter l'expansion de l'université. Si ma mémoire est bonne, à un moment donné, l'université envisageait se rendre presque à la rue Sweetland. Et puis ensuite, on a reculé ça jusqu'à King Edward Anderson. Alors, ça a fait de la pression parce que il y avait de plus en plus d'étudiants aussi à l'université. Il y a des familles qui se disaient, je trouve bien de déménager, les enfants ont grandi, on va déménager dans les banlieues, on va aller à Orléans, à Alta Vista, ça fait même. Les grosses maisons devenaient des maisons de chambre. Et puis alors, avec des propriétaires qui en prenaient beaucoup moins soin. Alors, on avait vraiment deux choses qui faisaient du tort à la communauté. Un, le désir de l'expansionniste de l'université. Et deux, le fait que beaucoup des familles quittaient la Côte-de-Sable et puis on s'était trouvé un nouveau marché, là, les maisons de chambre. Oui. Alors ça a eu un gros impact qui a duré une dizaine d'années jusqu'à temps que, justement, Action Côte-de-Sable commence à négocier avec l'université, la ville d'Ottawa. On a refait le plan d'aménagement de la Côte-de-Sable, les plans de circulation. Et on a commencé à faire des changements de zonage, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Côte-de-Sable est largement protégée par ce qui a été fait par ces comités de citoyens-là à la fin des années 70, au début des années 80. M. Prévost, il y a eu un glissement, carrément des populations vers, on mentionnait tout à l'heure, entre autres le quartier de Rockcliffe, beaucoup plus au nord finalement. Bien, en fait, ça complète ce que M. Deblois explique. Après la Seconde Guerre mondiale, l'élite est partie vers, entre autres, Radcliffe. Mm-hmm. Et à ce moment-là, on voit très bien là que les grosses maisons vont commencer à être divisées en appartements. Et j'écoute M. Deblois et c'est exactement ce qu'on va voir demain. Et finalement, la date là butoir pour le patrimoine, c'est en 1984, lorsque la ville a créé des districts, ils appellent ça des districts du patrimoine, mm-hmm. en vertu de la loi sur le patrimoine de l'Ontario, parce qu'on se rendait compte qu'on était en train de détruire la Côte-de-Sable. Et le meilleur exemple, vous avez la Maison Laurier, qui est un site historique national, et à quelques pas, on a construit une tour de 20 étages qui vient complètement écraser. Oui, oui, oui. Et ça, c'est un exemple. Et c'est ça qu'on est en train de faire avec la Côte-de-Sable. Et heureusement qu'en 1968, il y a eu Action de Côte-de-Sable qui a été créée. Mais regardez comme ça a été long, là. De 68, ces gens-là se sont battus. Et finalement, ce n'est qu'en 1984 que là, on va arrêter de démolir. Parce que maintenant, comme c'est un secteur du patrimoine, lorsqu'on fait des travaux de rénovation, tout ça, on doit respecter l'architecture à l'extérieur et c'est fini, là, la construction de gros blocs sur la rue Daly, par exemple, ou dans les secteurs patrimoniaux. Je reviens à vous, M. Deblois. Comment est-ce que votre action dans la communauté de la Côte-de-Sable vous a amené à vous impliquer aussi à l'université? Parce qu'on le mentionne à nouveau, vous siégez sur le bureau des gouverneurs de l'université, qui est la plus haute instance de gouvernance ici à l'université. Est-ce que vous croyez que l'université a vraiment un rôle important à jouer dans la communauté? Et si oui, quel est son rôle dans cette communauté? Absolument. Moi, je pense que l'université doit jouer un rôle de leadership, pas simplement un rôle complémentaire, mais vraiment un rôle de leadership dans plusieurs domaines. Lorsqu'on m'a demandé il y a quelques années passées de co-présider la commission qui regardait les services en français à l'Université d'Ottawa, mm-hmm. on a insisté sur cette question-là de leadership de l'université dans la question de la francophonie ontarienne et canadienne hors Québec. L'Université d'Ottawa est non seulement un milieu de savoir, mais c'est un endroit de recherche, c'est un endroit où on fait de la recherche historique, mais on fait de la recherche dans toutes sortes de domaines. Et cet apport-là est très important pour les groupes communautaires qui, eux, n'ont pas toujours des ressources pour approfondir des recherches, créer des positions qui se tiennent, de développer des dossiers. L'université doit, à mon avis, jouer un rôle important pour aider et épauler ces groupes communautaires-là dans les luttes qu'ils mènent, que ce soit de la francophonie, que ce soit dans la Côte-de-Sable, que ce soit dans le domaine de la santé ou dans n'importe quel de ces domaines-là. On termine sur un dernier point caractéristique de la communauté de la Côte-de-Sable, c'est bien sûr sa solidarité. On en a d'ailleurs un peu discuté avec notamment le groupe Action Côte-de-Sable. Comment est-ce qu'on pourrait dire que cette solidarité-là s'est tissée au fil des années? En fait, Action Côte-de-Sable s'est fondée en quelle année, ça? C'est 68. 68. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est le moment marquant, finalement, où la communauté a vraiment réalisé qu'il devait se former un noyau pour, finalement, pouvoir persister à travers le temps?